Unité 2. Entraînement au DELF A1. Compréhension de l'oral. Exercice 3. Situation 1. Alors là, tu as notre chambre, et à côté celle des enfants, et la salle de bain. Bah dis donc, qu'est-ce que c'est grand ?